Evelyne. Et paraît-il, la petite gamine des amis, elle avait le teint si blanc, elle avait les yeux si grands. Aucune mandoline ne joue plus, les lèvres d'Evelyne se sont. Savoir.